même si le temps presse, même s'il est plus que court, si les chauves-souris me laissent et que je tombe pas dans les douves, et même si l'on m'arrête avec des mains dans les murs et sans tambour ni trompette, ce sol qui tombe sous mes mules, je finirai Dragon Slayer tout au fond de la tanière. Je sauverai la princesse, aussi dur qu'il puisse être, je finirai ce jeu de merde. Je finirai Dragon Slayer tout au fond de la tanière, aussi dur qu'il puisse être, je finirai ce jeu de merde. Et même s'il faut renoncer, changer de jeu et de console, s'il faut chercher dans l'exil une jouabilité moins molle, et même si l'ascenseur me conduit dans les lieux sombres, toujours plus loin dans les princesse des cons. Je finirai Dragon Slayer tout au fond de la tanière. Je sauverai la princesse, aussi dur qu'il puisse être, je finirai ce jeu de merde. Je finirai Dragon Slayer. Passer au travers des pièges, que je saute ou que je me baisse, de ce donjon je ferai le siège. Je garderai les blessures, bien sûr celles qui me tuent pas, et au-dessus je te jure que le dragon ne mourra pas. Je finirai Dragon Slayer tout au fond de la tanière. Je sauverai la princesse, aussi dur qu'il puisse être, je finirai ce jeu de merde. Je finirai Dragon Slayer tout au fond de la tanière, aussi dur qu'il puisse être, je finirai ce jeu de merde. Je finirai Dragon Slayer.